Le représentant en Corée du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Oh Yun-saikan Dendevunorov, a présenté le 18 sa lettre de créance au ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho, avant de livrer un entretien.